La soirée au flambeau des jeunes avant-gardes consacrée à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung, ce thème « En avant, puissance de la jeunesse, suivant le parti » a eu lieu solennellement au stade 1er mai à Pyongyang le 28 août. Au son de la musique de bienvenue, le camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a fait son apparition sur la tribune d'honneur en compagnie des cadres responsables du parti et de l'armée comme Fang Byung-so et Choi Ryong-hae, des présidents des comités provinciaux du parti et des permanents responsables de l'Union de la jeunesse. Sur la tribune d'honneur ont pris place encore Kim Yong-ju, chef de la délégation de l'Union de la jeunesse coréenne au Japon, et Kim Yong-yo, chef de la délégation de l'Association des jeunes coréens en Chine. Sur la place réservée aux hôtes étaient présents les officiels des organismes du parti, des forces armées et du pouvoir, des organisations des travailleurs, des ministères et des établissements centraux, les représentants diplomatiques de divers pays et des institutions internationales et les attachés militaires à Pyongyang et d'autres hôtes étrangers. Y ont assisté les participants à la 9e conférence de l'Union de la jeunesse socialiste Kim Il-sung, les jeunes et étudiants de la capitale, les citadins, le représentant de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste et les compatriotes coréens d'outre-mer en séjour dans la patrie socialiste. À la suite de l'allocution de Chun Yong-nam, premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse, annonçant le commencement de la soirée, sont entrés sur le terrain du stade les rangs des continuateurs de l'œuvre révolutionnaire Chuché, les flambeaux à la main. En montrant des variétés particulières de colonnes, ils ont figuré ces inscriptions, succession, puissance de la jeunesse, nous sommes continuateurs de la révolution, 9e conférence de l'Union de la jeunesse. Au son de la musique du chant « Bâton de relais de la Révolution », trois jeunes étudiants ont allumé la torche au nom des 5 millions de jeunes avant-garde fermement déterminés à porter plus haut le flambeau de la Révolution allumé et donné aux jeunes par les grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il et à suivre loyalement pour toujours la direction du camarade Kim Jong-un avec la foi et la volonté immuable. Sur le tableau de fond est figuré le thème de la soirée « Puissance de la jeunesse, en avant, suivant le parti. » Escortés par les jeunes avant-garde, les voitures décapotées portant les drapeaux à l'effigie du président Kim Il-sung et du dirigeant Kim Jong-il sont entrées sur le terrain. Une tempête d'acclamations de viva a éclaté et sont figurés les noms augustes des grands hommes Paektusan et le mot « Union de la jeunesse éternelle du soleil ». Les jeunes et étudiants ont représenté d'une manière vivante, avec les torches, l'affection du parti mère qui fait grand cas des jeunes selon le noble dessein des grands leaders, l'immense affection paternelle du maréchal Kim Jong-un. Kim Jong-un a estimé meilleure la soirée au flambeau des jeunes avant-garde pour le militantisme, l'esprit de discipline et la valeur artistique, et en a remercié tous les acteurs, créateurs, moniteurs et autres cadres. Hymne de la jeunesse, chant créé à l'occasion de la 9e conférence de l'Union de la jeunesse, a retenti dans le stade et les jeunes étudiants se sont mis à danser. Les feux d'artifice ont couvert le stade en interprétant l'esprit invariable de plusieurs millions de jeunes avant-garde décidés à partager le sort avec le comité central du parti et à suivre en tête l'œuvre du leader et du parti et aussi en souhaitant un avenir radieux à la puissance prometteuse de la jeunesse Kim Il-sung et Kim Jong-il.